Unité 57. Conversation. Écoutez. 1. Alors, où allons-nous pendant les vacances de Pâques? 2. J'ai pris toute une série de dépliants dans une agence de voyage. 3. On va à la campagne, à la mer ou à la montagne? 4. À Pâques, un séjour à la montagne est plus profitable qu'un séjour à la mer. 5. À toi de choisir entre Sallanches, Chamonix ou Argentière. 6. Alors, allons à Chamonix. C'est plus grand que Sallanches. 7. Mais à Sallanches, les hôtels sont moins chers qu'à Chamonix. 8. Oui, mais à Chamonix, les pistes sont plus nombreuses et plus variées qu'à Sallanches. Répondez, répétez. 9. Alors, où allons-nous pendant les vacances de Pâques? Dix. J'ai pris toute une série de dépliants dans une agence de voyage. Onze. On va à la campagne, à la mer ou à la montagne? Douze. À Pâques, un séjour à la montagne est plus profitable qu'un séjour à la mer. 13. À toi de choisir entre Sallanches, Chamonix ou Argentière. 14. Alors, allons à Chamonix. C'est plus grand que Sallanches. 15. Mais à Sallanches, les hôtels sont moins chers qu'à Chamonix. 16. Oui, mais à Chamonix, les pistes sont plus nombreuses et plus variées qu'à Sallanches. 17. Puisqu'il fait beau, pourquoi n'allons-nous pas au refuge d'Argentière? 18. 3 heures de marche, tu es fou? 19. Si vous voulez une promenade plus courte que celle-là, on peut aller aux Chausalets. 20. D'ici aux Chausalets, combien de temps faut-il? 21. 2 heures aller-retour. Tout dépend de l'allure à laquelle tu marches. 22. Oh, tu verras, j'ai plus de résistance que toi. Répondez, répétez. 23. Puisqu'il fait beau, pourquoi n'allons-nous pas au refuge d'Argentière? 24. 3 heures de marche, tu es fou? 25. Si vous voulez une promenade plus courte que celle-là, on peut aller aux Chausalets. 26. D'ici aux Chausalets, combien de temps faut-il? 27. 2 heures aller-retour. Tout dépend de l'allure à laquelle tu marches. 28. Oh, tu verras, j'ai plus de résistance que toi. 29. Quelles sont les pistes les plus faciles pour un débutant? Les grands montets? 30. Non. Celles des bossons sont moins longues et moins difficiles que celles des grands montets. 31. Mais il y a plus de pistes au Grand Montais. 32. Oui, il y a plus de pistes, mais ce sont les plus longues et les plus difficiles de la station. 33. Alors, vous ne nous conseillez pas d'aller au Grand Montais. 34. Commencez par les pistes plus à votre portée. Dans quelques jours, vous pourrez monter plus haut. Répondez, répétez. 35. Quelles sont les pistes les plus faciles pour un débutant? Les Grands Montais? 36. Non. Celles des bossons sont moins longues et moins difficiles que celles des grands montées. 37. Mais il y a plus de pistes aux grands montées. 38. Oui, il y a plus de pistes, mais ce sont les plus longues et les plus difficiles de la station. 39. Alors, vous ne nous conseillez pas d'aller au Grand Montais. 40. Commencez par les pistes plus à votre portée. Dans quelques jours, vous pourrez monter plus haut. Écoutez. 41. Mademoiselle, quel est le forfait le plus intéressant? 42. Tout dépend du ski que vous voulez faire. 43. Si vous êtes un bon skieur, la meilleure solution est le forfait hebdomadaire. 44. Tu es meilleure skieuse que moi. Prends un forfait hebdomadaire. 45. Moi, je ne skierai peut-être pas tous les jours, alors je prends un forfait moins cher. 46. Si vous voulez prendre des leçons, il y a un forfait comprenant les remontées et les leçons. 47. C'est une bonne solution. Combien coûte-t-il? 48. 6 jours de remontée, y compris 6 cours collectifs, 175 francs. 49. Ça ne me paraît pas cher. 50. Effectivement, c'est le forfait le plus économique que nous ayons trouvé jusqu'ici. Répondez, répétez. 51. Mademoiselle, quel est le forfait le plus intéressant? 52. Tout dépend du ski que vous voulez faire. 53. Si vous êtes un bon skieur, la meilleure solution est le forfait hebdomadaire. 54. Tu es meilleure skieuse que moi. Prends un forfait hebdomadaire. 55. Moi, je ne skierai peut-être pas tous les jours, alors je prends un forfait moins cher. 56. Si vous voulez prendre des leçons, il y a un forfait comprenant les remontées et les leçons. 57. C'est une bonne solution. Combien coûte-t-il? 58. 6 jours de remontée, y compris 6 cours collectifs, 175 francs. 59. Ça ne me paraît pas cher. 60. Effectivement, c'est le forfait le plus économique que nous ayons trouvé jusqu'ici. 61. Ce pantalon-ci est plus chaud. Combien coûte-t-il? 62. Il est plus cher que l'autre. 335 francs. 63. Lequel est le plus solide? 64. Ils sont aussi solides l'un que l'autre. C'est de l'élastis. 65. La forme de celui-ci est plus moderne. 66. Lequel préfères-tu? 67. Ils me plaisent autant l'un que l'autre. 68. Alors prenons le moins cher. Répondez, répétez. 69. Ce pantalon-ci est plus chaud. Combien coûte-t-il? 70. Il est plus cher que l'autre. 335 francs. 71. Lequel est le plus solide? 72. Ils sont aussi solides l'un que l'autre. C'est de l'élastis. 73. La forme de celui-ci est plus moderne. 74. Lequel préfères-tu? 75. Il me plaise autant l'un que l'autre. 76. Alors prenons le moins cher. Écoutez. 77. Oh, que je suis fatigué. 78. Je suis aussi fatigué que toi, mais je ne dis rien. 79. Mais on a fait une belle descente. 80. Oui, une des plus belles de toute la semaine. 80. Peut-être la plus difficile. 82. Celle d'hier était aussi difficile. 83. Je ne sais pas s'il y avait autant de passages difficiles. 84. La neige est surtout moins bonne aujourd'hui qu'hier. Répondez. Répétez. 85. Oh, que je suis fatigué. 86. Je suis aussi fatigué que toi, mais je ne dis rien. 87. Mais on a fait une belle descente. 88. Oui, une des plus belles de toute la semaine. 89. Peut-être la plus difficile. 90. Celle d'hier était aussi difficile. 91. Je ne sais pas s'il y avait autant de passages difficiles. 92. La neige est surtout moins bonne aujourd'hui qu'hier.